Chapitre 35. Moyens d'existence. Mais oui, cette noble crapule de Ragdal venait d'échouer misérablement à Mazas, et pour une niaiserie. Son succès l'avait grisé, il se croyait déjà le roi de Paris, et il avait abusé de sa veine insolente. Il s'était fait paumer marron sur le tas, en plein cercle, au Newtown, en taillant un bac de 50 000, son chiffre fatidique, avec des cartes préparées, tout simplement. Un agent de la police des jeux lui avait vidé la manche devant tous les joueurs, et Ragdal avait eu beau en appeler à son ami et voisin, le ponte Roger, il était fait. Monsieur de Charmeuse s'était levé vivement et avait disparu sans réclamer le camarade. Il n'en menait pas large non plus, car, depuis la soirée du sous-sol frontin, il avait des moyens d'existence. Ragdal lui avait trouvé 1 000 choses, comme il s'y était d'ailleurs engagé, et, dans le nombre, il y en avait qui frisaient gentiment Mazas. Ainsi, et grâce à son nouvel ami, il faisait partie du conseil d'administration de sociétés financières dont la gérance aurait épouvanté même Bonner. Il touchait ainsi des jetons de présence, ce qui lui faisait de l'argent de poche qu'il allait perdre au cercle où Ragdal trichait couramment. Dans son monde, il pistonnait des émissions à grand tralala, de l'Union nationale et du Canada, un tas de trucs qui devaient finir mal. Là, il avait sa commission, son petit chèque, et, pour augmenter son prestige, il songeait à poser sa candidature dans le Loiret, où sa famille avait eu de l'influence. Mais Ragdal, après l'avoir émerveillé, l'effarait absolument. S'il allait le rejoindre à Mazas, il était trop tard pour reculer. Suzanne d'Amour devenait de plus en plus exigeante et lâcheuse avec ça. Il marchait donc, juif errant de la vie parisienne, advienne que pourra. Le comte de Charmeuse était de moins en moins noble faubourg et de plus en plus fin de siècle. Il n'était pas encore impossible au jockey club ou à l'épatant, mais son prestige baissait. Ragdal eut le toupet de lui écrire la lettre suivante qui lui parvint avec un grand V directorial au crayon bleu en travers. « Mon cher comte et ami, vous savez de quelle inqualifiable méprise je suis la victime. Ai-je besoin de vous dire combien je compte sur votre aide fraternelle en pareille occurrence? S'il ne s'agissait que de ma liberté ou de ma vie encore, je suis journaliste, je connais les devoirs et les charges de ma profession, mais il y va de mon honneur, vous comprenez? J'ai des ennemis, comme tout personnage en vue. Un guet-apens a-t-il été organisé contre moi? Je l'ignore, mais je le crains. Tout ce que je puis affirmer, c'est mon innocence. Et fort de cette conviction, que vous ferez partager à la justice, j'en suis convaincu, vous m'aiderez à sortir de cette cruelle épreuve. À vous, mon cher Roger, mon meilleur souvenir et ma meilleure poignée de main. Ah! Cela coûte cher, les moyens d'existence. Ragdal se réclamait effrontément de lui, et il ne pouvait l'exécuter. Il était condamné presque à lui obéir. Parmi ses relations, il avait des magistrats. Il alla les voir, l'oreille basse, et plaida la cause de son complice de Mazas. Il avait dû se laisser aller à quelque folie, il ne pouvait être coupable. On ne lui rit pas précisément au nez, mais au palais on le mit en garde contre son protégé. C'était un drôle et un misérable dont la police se servait indirectement. De son vrai nom, il s'appelait Duchemin. Il avait abandonné sa femme et son fils pour vivre d'expédients honteux. Que pouvait répondre Roger de Charmeuse à des gens aussi bien informés? Insister? C'était éveiller leurs soupçons et se compromettre lui-même inutilement. Il se borna à faire valoir des recommandations et à solliciter de l'indulgence, un adoucissement au régime de la prison. Cela, on le lui promit vaguement, il se hâta d'en informer Ragdal par le canal du greffe de Mazas. Le maître chanteur lui tiendrait-il compte de sa bonne volonté? Il n'osait l'espérer et appréhendait quelque horrible dénonciation qui lui mettrait forcément le pistolet en main. Le suicide, la fin de tout. C'est à cela qu'il rêvait la nuit, aux côtés de la belle Suzanne d'Amour, dont il n'était plus le seul à partager les faveurs. Il le savait et, lâchement, fermait les yeux, acceptant encore cette situation. Il attendait la catastrophe comme une chose fatale à laquelle il ne pouvait se soustraire. Et, sans courage pour lutter, il se demandait seulement par où, par qui et comment il allait être frappé. Il traînait ainsi une misérable existence rongée de soucis et, de jour en jour, il s'enfonçait dans l'espace d'où rien ne pouvait plus le faire sortir. Et, brusquement, un matin, il reçut le coup en pleine poitrine. Il avait passé la nuit rue Saint-Dominique. Encore au lit vers 9 heures, il s'étirait, s'attardait, hésitant à recommencer une nouvelle journée d'inquiétude. Son valet de chambre entra, tira les rideaux des fenêtres et déposa sur un guéridon le plateau d'argent ciselé où s'entassaient les lettres et les journaux, tout le courrier matinal de monsieur le comte. Il fit approcher le guéridon de son lit et, avec des gestes d'ennui lassé, ouvrit l'une après l'autre les lettres qu'il parcourait d'un coup d'œil et rejetait ensuite. Puis ce fut le tour des journaux, dont il faisait sauter les bandes d'un coup de pouce négligent. Soudain, il en aperçut un qu'il ne connaissait pas encore, une petite feuille minuscule dont le titre lui sauta aux yeux, L'Incorruptible. Machinalement, il ouvrit. L'article de tête, encadré d'un gros trait au crayon rouge, attira son attention, et tout de suite, les dernières lignes de l'article, violemment soulignées, flamboyèrent devant ses yeux. Et maintenant que, fidèles à notre titre, seuls incorruptibles dans une époque de corruption, nous avons dénoncé cette bande de forbans et cloué au pilori ces indignes exploiteurs de l'épargne française, il nous reste une dernière mission, la plus pénible, à remplir. Un gentleman, des plus honorables, l'un des plus fiers représentants de notre noblesse, monsieur le comte de Charmeuse, figure en tête de la liste du conseil d'administration. Nous sommes convaincus que monsieur le comte ignorait les faits que nous venons de révéler. Il nous serait trop dur de supposer un seul instant que ce nom, respecté, a pu servir sciemment à couvrir d'abominables escroqueries, et nous attendons avec confiance les explications que monsieur le comte Roger de Charmeuse s'empressera sans nul doute de nous fournir. Roger devint livide. Perdu, murmura-t-il. Je suis perdu. Il sauta de son lit, s'habilla à la hâte, les mains tremblantes, et comme le valet de chambre, selon son habitude, venait enlever les journaux. Laissez cela! Hurla-t-il dans une explosion de rage furieuse. Sortez! Le domestique s'éclipsa en grommelant. Pas poli, monsieur le comte. Il oublie qu'il me doit 2 mois de gage. Monsieur de Charmeuse s'était précipité sur la feuille dénonciatrice et, debout, les lèvres blanches, il relisait l'article. C'était, en 200 lignes acerbes, vibrantes d'indignation et puant le chantage à plein nez, une étude impartiale de la Banque des Deux Mondes, à laquelle, en effet, dans une heure d'affolement, Roger avait vendu son nom pour quelques centaines de louis. On y révélait le truc de messieurs Manourel, Williamson et compagnie, directeurs de la banque. Aussi simple qu'ingénieux d'ailleurs ce truc. Il consistait à promettre des dividendes énormes variant de 10 à 30%. Les souscripteurs affluaient. Depuis 3 mois que l'affaire s'était montée, ils recevaient exactement les dividendes annoncés. Seulement, ils ignoraient que ces dividendes étaient pris sur le capital lui-même. La banque ne faisait aucune opération de bourse et attendait, pour se subtiliser et s'évanouir, que ses prospectus, distribués à foison, lui eussent attiré la forte somme. En attendant, et pour inspirer confiance, elle payait 100 francs à qui lui en avait adressé 1000 et gardait 900 francs pour elle. Voilà l'opération fructueuse et sûre dans laquelle Ragdal avait engagé le comte de Charmeuse. Une fois encore, le malheureux parcourut l'article. Puis il froissa la feuille. « Un journal de combat paraissant à date indéterminée, » disait la manchette de l'incorruptible. « Que faire ? » murmurait-il angoissé. « Envoyer des témoins au directeur de ce misérable canard, c'eût été grotesque. Et c'était aussi se dénoncer lui-même. Courir à son bureau, le souffleter, le cravacher. Oui, c'est cela qu'il allait faire. » Un besoin de bataille, une envie folle de se colleter avec le premier qui lui tomberait sous la main, le poussait dehors. Il plaça le journal dans la poche de son pardessus et sortit à pied. Oh, tenir cette crapule de folliculaire, ce journaliste de bas étage qui signait Alphonse Crémer, lui cracher au visage, l'abattre à genoux, pantelant, criant grâce. Mais peu à peu, dans l'air vif de la matinée, il se calmait. Qu'était-ce que ce Crémer ? Un maître chanteur ou un honnête homme ? Est-ce qu'il le savait ? Ce nom lui tombait pour la première fois sous les yeux. Jamais il n'avait entendu parler de l'incorruptible. Peut-être valait-il mieux ne pas le brusquer, tâcher d'obtenir son silence, lui donner les explications demandées, exigées plutôt. Devant les bureaux de l'étrange petite feuille, il s'arrêta, hésitant. C'était rue des Martyrs, à l'adresse indiquée au-dessous du titre. Il ne voyait aucune enseigne qui servît d'indice. Il se décida à interroger la concierge. « L'incorruptible ?»« Ah oui, monsieur Alphonse, c'est au 5e, la porte à gauche. » Et le comte monta, repris par sa colère, la main violemment crispée sur sa canne. Une bande de journal collée sur une porte lui indiqua qu'il était arrivé. Il frappa, de 3 coups nerveux, insolents. La porte s'ouvrit. D'un coup d'œil, Roger embrassa l'intérieur. Une salle à manger pauvre et sale, avec, sur un coin de la table, des restes de charcuterie étalés à même un papier gras, 3 chaises, une cheminée vide de tout ornement, et dans un angle de la pièce, des paquets de journaux ficelés en tas. Un petit homme, sec et maigre, la barbe rare, l'œil insaisissable, s'inclinait devant le comte. « Vous êtes Alphonse Crémer ?» demanda Roger, les dents serrées. « Moi-même, » répondit le petit homme en se redressant avec un sourire aigu. « Et vous, si je ne me trompe, vous êtes le comte Roger de Charmeuse ? Entrez, entrez, monsieur le comte, j'attendais votre bonne visite. Vous voyez, je préparais l'envoi de mon incorruptible, 5 000 numéros. Vous seul jusqu'ici en avez reçu un exemplaire. Mais prenez donc la peine de vous asseoir, je vous prie. » Machinalement, Roger s'assit, et devant ce personnage malingre, au teint bilieux, qui l'étourdissait de ses paroles enveloppantes, il se sentit désarmé, faible et presque tremblant. Ah, elle était loin, sa grosse fureur. Il ne songeait guère à cravacher ce visqueux et glauque Crémer. Et il restait là, les yeux fixés sur les paquets de l'incorruptible entassés au fond de la pièce. Son honneur, sa vie, était à la merci du répugnant bandit qu'il flairait en cet obséquieux bonhomme aux gestes vagues. Ce fut Crémer qui, de la même voix molle et traînante, avec son sourire figé sur ses lèvres minces, précisa la situation. « Monsieur le comte a sans doute reçu le numéro qui lui était destiné. Mon Dieu, je suis confus que vous vous soyez dérangé. Il fallait m'appeler. Je me serais fait un devoir de... » « Écoutez, » interrompit Roger de Charmeuse, « vous voulez me faire chanter, n'est-ce pas ? Eh bien, pas de phrase. Dites votre dernier mot tout de suite. » « Vous vous trompez, monsieur, » dit froidement Crémer. « Je suis un honnête homme, moi. Seulement, je me rends compte du tort que je pourrais vous causer avec mon article. J'ai pour vous la plus haute considération. » Roger fit un geste hautain. « Bref, » reprit l'incorruptible Crémer, « je ne demande pas mieux que de m'entendre avec vous. Combien ? Rien du tout. Rien ? Oui, rien. Ou presque. Voici, là, dans ce coin, tout mon tirage, 5 000 numéros. Qu'est-ce que ça peut me faire, à moi, que ce soit vous ou d'autres qui achetiez mon journal ? Je vous vends le tout en bloc. Combien ? Une misère. 40 sous l'exemplaire. Oh, ce n'est pas pressé. Mes abonnés peuvent attendre un peu. Mais je ferai mes expéditions dans 48 heures. À moins que, d'ici là, vous n'ayez pris ces quelques malheureuses feuilles, à 40 sous chacune. J'y retrouve à peine le prix du papier et du tirage. Ainsi, vous me donnez 48 heures pour vous apporter 10 000 francs. Kremer s'inclina, avec un geste désolé. « Impossible à moi !»« C'est bien, » fit Roger. « Après-demain, vous aurez l'argent. » Et, en se levant, repris par la colère, le cœur soulevé de dégoût, il lâcha une insulte. « Misérable crapule !» La sueur de l'angoisse au front, il sortit et reprit le chemin de son aristocratique hôtel en murmurant « 10 000 francs ? Où vais-je trouver ces 10 000 francs ? Est-ce la fin, mon Dieu ? »